quitter. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Et le jour ne franchit plus mon seuil. De Vitry-le-François à Cézanne, vous êtes sur Antenne 87, votre radio locale. Chaque jour, infos, documentaires et les grands classiques de la musique des années 50 à 95. Antenne 87, la proximité, la culture et le son qui vous accompagne. Et aujourd'hui, c'est le son et la proximité qui est à l'honneur. Oui, nous sommes très proches. Oui, ça va fait peur, dit comme ça. Ouais, ça va qu'il y a la table qui nous protège. Oh oui, oh oui, oh oui. On va passer du côté des dédicaces. Oui, alors il y a... Voilà, nous avons accès maintenant au chat. Nous avons quelques petits messages. Donc un qui date de ce matin, on va quand même le lire quand même. Mm-hmm. Alors Guignon, Olivier... Faire champenoise. Une bonne journée à vous tous et encore bravo pour votre travail, pour nous divertir et pour vos infos. Merci Olivier. Cuisto. Le cuisto d'ailleurs, du collège de Faire champenoise. D'accord. Thierry, bonne programmation. Merci Thierry. Régis, j'adore cette super radio jour et nuit. Bravo pour vos émissions de nuit. C'est vrai qu'on a fait un effort grâce à vous, chers auditeurs, justement, de faire de belles émissions de nuit. Qui vous accompagne, parce qu'on a remarqué qu'il y a des noctambules maintenant. Hubert, top l'émission. Merci, c'est simple. Net, clair, simple, précis. Voilà. Fred, Antenne 87 forever. Alors là, on n'a jamais fait celle-là. Bon, bah, si faut rêver, on va rêver. Zez ou Zézé. Il ne doit pas y avoir l'accent dessus. Bonjour. Ça aussi, c'est clair, net, simple, précis. Oui, bonjour. Bonjour, comme on dit dans le Groland. Achery, un habitué aussi. Bonne émission, j'adore. Merci beaucoup. Je pense que c'est Henri. Estienne, donc Étienne, qui nous fait coucou. Coucou. Fabrice, Nazareth, ma jeunesse. Ah oui, pour beaucoup d'ailleurs. Jeff, merci à tous pour tous vos témoignages. Cela nous touche. Ah non, ça c'était moi. Rémi, j'adore. Voilà, ça c'était pour tous les messages sur le chat. Bon, bien sûr, on n'est pas encore trop dessus, c'est pas trop en place, donc je vous invite à rester sur l'onglet dédicace, ça sera plus simple pour nous. Même à gérer d'ailleurs. Et Dédé, dans les dédicaces cette fois, Dédicaces. Je fais plein de bisous à Adeline de Baie, qui vous écoute tous les jours aussi, et même au travail. Je crois que c'est Baie, près de j'ai hésité. Il me semble, je ne sais plus comment ça se prononce. Je sais qu'il y a le village de Gaï, G-A-Y-E, Gay. Qui se dit Gay, donc j'ai hésité avec Baie ou Baie. Il faudra demander à Nathalie. Ouais. Nathalie Baie. Nathalie Baie, ouais, voilà. Dehors. Oui, on va peut-être finir la mission avant. Ouais, un petit peu. Ah. Oui, il reste quand même pas une vingtaine de minutes, ouais. Bon, voilà. Maintenant, vu l'état, tu peux me supporter encore un petit peu. Dans quelle étagère? Allez, finis dans le placard. Bon, c'est tout pour le moment. Et juste après, tiens, je vous emmène en Acadie avec Michel Fugain. On va écouter ça. Et après, on partira avec Ray Charles, What I Say. Et après, une grande chanson de Rocky Robbins, Emergency. Très connue. Bah, bien, ça va être bientôt les urgences, oui, si ça continue. Je pense, oui. Allez, vous êtes toujours sur Antenne 87, 16h passées de 38 minutes. C'est parti. C'est celle de Rufus Thibaudeau. Ils rêvent encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa. Qui pensait peu, qui pensait pas. Ah! Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Ils sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Chouette, pour se mettre de la crème sur les joues. Mais ceux qui en font la cueillette finissent la journée sur les genoux. Alors le soir ils font de la musique comme celle de Rufus Thibaudeau. Pour oublier que l'Amérique c'est plus celle de leur grand-papa. Ça a bien changé depuis ce temps-là. Les Acadiennes, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Jours de file pour une poignée de dollars dévalués. Ils montent dans la vieille Oldsmobile et pensent à la ville d'à côté pour écouter de la musique, celle du grand Rufus Thibaudeau. Et pour repeupler l'Amérique à la manière de grand-papa, y a plus que ça qui ne change pas. Les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Ils sont américains et elles sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon. Oh, funk du milieu des années 80 avec Rocky Robbins Emergency sur Antenne 87. C'était pas mal, non? Ça bouge bien, c'est bien. Ouais, ça bouge un peu. Ça fait penser justement à l'époque du breakdance. Oui. Un petit peu, ça y ressemble avec les rythmes, les percussions qu'il y avait avec le synthétiseur, justement, le beatbox, en fond. Ça me faisait aussi penser à la musique de Ghostbusters. Ouais, un petit peu. Bah, il y a un peu le même tempo. Mmh. C'est ça, c'est vraiment l'époque milieu des années 80. On a pas reçu de messages? Pas pour le moment. C'est déjà pas mal, je pense. De toute façon, il reste encore 9 minutes d'antenne. Et je vous propose de partir dans le disco avec Shalamar, Make That Move. Vous la connaissez toutes et tous. Et après, une petite chanson assez sympathique que vous allez pouvoir découvrir, enfin, que vous redécouvrez pour certains. C'est Johnny Savage avec Voodoo Woman. C'est du rock assez... psychédélique. T'aimes, ah oui, t'aimes bien tout ce qui est psyché. Ah oui, c'est mélodieux. Et puis, si on le peut, on terminera avec My Friend Jack des Smokes, ouais, en 67. Voilà, encore un petit peu d'éclectisme. La région, j'aime bien l'éclectisme. Voilà. C'est très important. Allez, vous êtes toujours sur Antenne 87, Plaine de Champagne, 16h50. don't treat me right. She got a charm, she got a spell. Voodoo woman gonna drag me to hell. Voodoo woman can't break free. Voodoo woman, she's been holding me. Voodoo woman won't let me go. Voodoo woman deep down. Take my soul below. Voodoo woman can't break free. Voodoo woman, she's got hold of me. Voodoo woman won't let me go. Voodoo woman deep down. Et voilà, c'est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Antenne Dimanche est finie pour aujourd'hui. Merci Jeff. Mais de rien, avec plaisir. Merci à tous les auditeurs pour leur participation. Merci pour vos messages de fidélité. C'est toujours un plaisir. Merci pour le choix, les excellents choix musicaux d'ailleurs. Allez, on se retrouve dimanche prochain avec Jeff pour un spécial. Oui. Si on m'a pas fait d'ici là, je serai présent. Pour un spécial ? Ah, ça sera spécial Bee Gees. Alors, soit leurs chansons, soit des chansons qu'ils ont créées pour d'autres artistes. Voilà. On n'en dit pas plus. Très belle découverte à faire. Allez, la suite de vos programmes. Ce soir, Bob Scherer à 18h, 19h30, c'est Backspin 80. 678 Live and More à 21h30. Demain matin, Digani vous réveille à partir de 7h. Et à 5h du matin, vous aurez RFI et bien sûr, Monsieur Choubrac de 5h à 7h qui vous accompagnera pour la pré-matinale. Bon dimanche à tous, excellente soirée et à bientôt. À bientôt, à toutes et à toutes. Voilà, et à tous. The shadow friend, voodoo woman, voodoo woman, she'll pull you in. She whispers dark in the moonlight's glow. Voodoo woman, take my soul below. Voodoo woman can't break free. Voodoo woman, she's a hold of me. Voodoo woman won't let me go. Voodoo woman, deep down low. Votre radio locale.